Section 16. De mémoire d'outre-tombe, volume 4. Par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehanne. Quatrième partie, livre 6e. Suite. Venise, septembre 1833. Une gondole m'a débarqué au Frari, où nous autres Français, accoutumés que nous sommes aux extérieurs grecs ou gothiques de nos églises, nous sommes peu frappés de ces dehors de basiliques de briques, ingrats et communs à l'œil. Mais à l'intérieur, l'accord des lignes, la disposition des masses, produisent une simplicité et un calme de composition dont on est enchanté. Les tombeaux des Frari, placés dans les murs latéraux, décorent l'édifice sans l'encombrer. La magnificence des marbres éclate de toutes parts, des rinceaux charmants attestent le fini de l'ancienne sculpture vénitienne. Sur un des carreaux du pavé de la nef, on lit ces mots « Ici repose le Titien, émule de Zeuxis et d'Appel ». Cette pierre est en face d'un des chefs-d'œuvre du peintre. Canova a son fastueux sépulcre, non loin de la dalle titienne. Ce sépulcre est la répétition du monument que le sculpteur avait imaginé pour le Titien lui-même et qu'il exécuta depuis pour l'archiduchesse Marie-Christine. Les restes de l'auteur de l'Ébé et de la Madeleine ne sont pas tous réunis dans cette œuvre. Ainsi, Canova habite la représentation d'une tombe faite par lui, non pour lui, laquelle tombe n'est que son demi-cénotaphe. Des Frari, je me suis rendu à la galerie Manfrini. Le portrait de l'Arioste est vivant. Le Titien a peint sa mère, vieille matrone du peuple, crasseuse et laide. L'orgueil de l'artiste se fait sentir dans l'exagération des années et des misères de cette femme. À l'Académie des Beaux-Arts, j'ai couru vite au tableau de l'Assomption, découverte du comte Cicognara. 10 grandes figures d'hommes au bas du tableau. Remarquez à gauche l'homme ravi, en extase, regardant Marie. La Vierge, au-dessus de ce groupe, s'élève au centre d'un demi-cercle de chérubins. Multitude de faces admirables dans cette gloire, une tête de femme à droite, à la pointe du croissant, d'une indicible beauté, 2 ou 3 esprits divins jetés horizontalement dans le ciel à la manière pittoresque et hardie du Tintoret. Je ne sais si un ange debout n'éprouve pas quelque sentiment d'un amour trop terrestre. Les proportions de la Vierge sont fortes. Elle est couverte d'une draperie rouge. Son écharpe bleue flotte à l'air. Ses yeux sont levés vers le Père éternel, apparu au point culminant. 4 couleurs tranchées, le brun, le vert, le rouge et le bleu, couvrent l'ouvrage. L'aspect du tout est sombre, le caractère peu idéal, mais d'une vérité et d'une vivacité de nature incomparable. Je lui préfère pourtant la présentation de la Vierge au temple, du même peintre que l'on voit dans la même salle. Au regard de l'Assomption éclairée avec beaucoup d'artifice, est le miracle de Saint-Marc du Tintoret, drame vigoureux qui semble fouillé dans la toile plutôt avec le ciseau et le maillet qu'avec le pinceau. Je suis passé au plâtre des métopes du Parthénon. Ces plâtres avaient pour moi un triple intérêt. J'avais vu à Athènes les vides laissés par les ravages de leur Edgine, et à Londres les marbres enlevés dont je retrouvais les moulures à Venise. La destinée errante de ces chefs-d'œuvre se liait à la mienne, et pourtant Phidias n'a pas façonné mon argile. Je ne pouvais m'arracher aux dessins originaux de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et de Raphaël. Rien n'est plus attachant que ces ébauches du génie livrées seules à ses études et à ses caprices. Il vous admet à son intimité. Il vous initie à ses secrets. Il vous apprend par quels degrés et par quels efforts il est parvenu à la perfection. On est ravi de voir comment il s'était trompé, comment il s'est aperçu de son erreur et l'a redressé. Ces coups de crayon tracés au coin d'une table sur un méchant morceau de papier gardent une abondance et une naïveté de nature merveilleuse. Quand on songe que la main de Raphaël s'est promenée sur ces chiffons immortels, on en veut au vitrage qui vous empêche de baiser ces saintes reliques. Je me suis délassé de mon admiration à l'Académie des Beaux-Arts par une admiration d'une autre sorte à Saint-Jean et Paul. Ainsi l'on se rafraîchit l'esprit en changeant de lecture. Cette église, dont l'architecte inconnu a suivi les traces de Niccolo Pisano, est riche et vaste. Le chevet où se retire le maître-autel représente une espèce de conque debout. Deux autres sanctuaires accompagnent latéralement cette conque. Ils sont hauts, étroits, à voûte multicentre et séparés du chevet par des refends à rainures. Les cendres des doges Mocenigo, Morosini, Vendramin et de plusieurs autres chefs de la République reposent ici. Là se trouve aussi la peau d'Antoine Bragadino, défenseur de Famagouste, et à laquelle on peut appliquer l'expression de Tertullien, une peau vivante. Ces dépouilles illustres inspirent un grand et pénible sentiment. Venise elle-même, magnifique catafalque de ces magistrats guerriers, double cercueil de leurs cendres, n'est plus qu'une peau vivante. Des vitraux coloriés et des draperies rouges, en voilant la lumière de Saint-Jean et Paul, augmentent l'effet religieux. Les colonnes innombrables, apportées de l'Orient et de la Grèce, ont été plantées dans la basilique comme des allées d'arbres étrangers. Un orage est survenu pendant que j'errais dans l'église. Quand sonnera la trompette qui doit réveiller tous ces morts ? J'en disais autant sous Jérusalem, dans la vallée de Josaphat. Après ces courses, rentré à l'hôtel de l'Europe, j'ai remercié Dieu de m'avoir transporté des pourceaux de Walmunchen au tableau de Venise. Venise, septembre 1833. Après ma découverte des prisons où la matérielle Autriche essaye d'étouffer les intelligences italiennes, je suis allé à l'arsenal. Aucune monarchie, quelque puissante qu'elle soit ou qu'elle ait été, n'a offert un pareil compendium nautique. Un espace immense, clos de murs crénelés, renferme quatre bassins pour les vaisseaux de haut bord. Des chantiers pour bâtir ces vaisseaux, des établissements pour ce qui concerne la marine militaire et marchande, depuis la corderie jusqu'aux fonderies de canons, depuis l'atelier où l'on taille la rame de la gondole jusqu'à celui où l'on écarie la quille d'un 74, depuis les salles consacrées aux armes antiques conquises à Constantinople, en Chypre, en Morée, à Lépante, jusqu'aux salles où sont exposées les armes modernes. Le tout mêlé de galeries, de colonnes, d'architectures élevées et dessinées par les premiers maîtres. Dans les arsenaux de la marine de l'Espagne, de l'Angleterre, de la France, de la Hollande, on voit seulement ce qui a rapport aux objets de ces arsenaux. À Venise, les arts s'unissent à l'industrie. Le monument de l'amiral Hemo, par Canova, vous attend auprès de la carcasse d'un navire. Des files de canons vous apparaissent à travers de longs portiques. Les deux lions colossaux du Pirée gardent la porte du bassin d'où va sortir une frégate pour un monde qu'Athènes n'a point connu et qu'a découvert le génie de la moderne Italie. Malgré ces beaux débris de Neptune, l'arsenal ne rappelle plus ces vers de Dante. Qual nel arsana de Veniziani, bole l'inverno la tenace pece, arim palmar li legni lor nozani, che navicar non pono, en quella vece chi fa suo lecno nuovo, e chi ristopa le coste a quel che i piu viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da popa, altri fra remi ed alti i volge sarte, chi terze ruolo ed artimon rintopa. Tout ce mouvement est fini. Le vide des trois quarts et demi de l'arsenal, les fourneaux éteints, les chaudières rongées de rouille, les corderies sans rouets, les chantiers sans constructeurs, attestent la même mort qui a frappé les palais. Au lieu de la foule des charpentiers, des voiliers, des matelots, des calfats, des mousses, on aperçoit quelques galériens qui traînent leurs entraves. Deux d'entre eux mangeaient sur la culasse d'un canon. À cette table de fer, ils pouvaient du moins rêver la liberté. Lorsqu'autrefois ces galériens ramaient à bord du Bucentaure, on jetait sur les épaules flétries une tunique de pourpre pour les faire ressembler à des rois fendant les flots avec des pagaies dorées. Ils réjouissaient leur labeur du bruit de leurs chaînes, comme au Bengale, à la fête de Durga, les bayadères vêtus de gaze d'or accompagnent leur danse du son des anneaux dont leurs coups, leurs bras et leurs jambes sont ornés. Les forçats vénitiens mariaient le doge à la mer et renouvelaient eux-mêmes avec l'esclavage leur union indissoluble. De ces flottes nombreuses, qui portaient les croisés au rivage de la Palestine et défendaient à toute voile étrangère de se dérouler au vent de l'Adriatique, il reste un Bucentaure en miniature, le canot de Napoléon, une pirogue de sauvages et des dessins de vaisseaux, tracés à la craie sur la planche des écoles des gardes marines. Un Français arrivant de Prague et attendant à Venise la mère de Henri V devait être touché de voir dans l'arsenal de Venise l'armure de Henri IV. L'épée que le Béarnais portait à la bataille d'Ivry était jointe à cette armure. Cette épée manque aujourd'hui. Par un décret du Grand Conseil de Venise du 3 avril 1600, Enrico di Borbone IV, Re di Francia e di Navarra, con li figliuoli e di scenditi suoi, sia numerato tra i nobili di questo nostro maggior consiglio. Charles X, Louis XIX et Henri V, descendants di Enrico di Borbone, sont donc gentilshommes de la République de Venise qui n'existe plus, comme ils sont rois de France en Bohême, comme ils sont chanoines de Saint-Jean de Latran à Rome, et toujours en vertu de Henri IV. Je les ai représentés en cette dernière qualité. Ils ont perdu leur épitoge et leur homus, et moi j'ai perdu mon ambassade. J'étais pourtant si bien dans ma stalle de Saint-Jean de Latran. Quelle belle église, quel beau ciel, quelle admirable musique. Ces chants-là ont plus duré que mes grandeurs et celles de mon roi chanoine. Ma gloire m'a fort gênée à l'arsenal. Elle rayonne sur mon front à mon insu. Le feld-maréchal Palucci, amiral et commandant général de la marine, m'a reconnu à mes cornes de feu. Il est accouru, m'a montré lui-même diverses curiosités, puis, s'excusant de ne pouvoir m'accompagner plus longtemps à cause d'un conseil qu'il allait présider, il m'a remis entre les mains d'un officier supérieur. Nous avons rencontré le capitaine de la frégate en partance. Celui-ci m'a abordé sans façon et m'a dit, avec cette franchise de marin que j'aime tant, « Monsieur le vicomte, comme s'il m'avait connu toute sa vie, avez-vous quelque commission pour l'Amérique ?»« Non, capitaine, faites-lui bien mes compliments, il y a longtemps que je ne l'ai vu. » Je ne puis regarder un vaisseau sans mourir d'envie de m'en aller. Si j'étais libre, le premier navire cinglant aux Indes aurait des chances de m'emporter. Combien ai-je regretté de n'avoir pu accompagner le capitaine Perry aux régions polaires ? Ma vie n'est à l'aise qu'au milieu des nuages et des mers. J'ai toujours l'espérance qu'elle disparaîtra sous une voile. Les pesantes années que nous jetons dans les flots du temps ne sont pas des ancres. Elles n'arrêtent pas notre course. Venise, septembre 1833. À l'arsenal, je n'étais pas loin de l'île Saint-Christophe, qui sert aujourd'hui de cimetière. Cette île renfermait un couvent de capucins. Le couvent a été abattu et son emplacement n'est plus qu'un enclos de forme carrée. Les tombes n'y sont pas très multipliées, ou du moins elles ne s'élèvent pas au-dessus du sol nivelé et couvert de gazon. Contre le mur de l'ouest se collent 5 ou 6 monuments en pierre. De petites croix de bois noir avec une date blanche s'éparpillent dans l'enclos. Voilà comment on enterre maintenant les Vénitiens dont les aïeux reposent dans les mausolées des Frari et de Saint-Jean et Paul. La société, en s'élargissant, s'est abaissée, la démocratie a gagné la mort. À l'orée du cimetière, vers le levant, on voit les sépultures des Grecs schismatiques et celles des protestants. Elles sont séparées entre elles par un mur, et séparés encore des inhumations catholiques par un autre mur. Triste dissentiment, dont la mémoire se perpétue dans l'asile où finissent toutes querelles, attenant au cimetière grec est un autre retranchement qui protège un trou où l'on jette au limbe les enfants mort-nés. Heureuse créature, vous avez passé de la nuit des entrailles maternelles à l'éternelle nuit sans avoir traversé la lumière. Après ce trou, gisent les ossements bêchés dans le sol comme des racines, à mesure que l'on défriche des tombes nouvelles. Les uns, les plus anciens, sont blancs et secs, les autres, récemment déterrés, sont jaunes et humides. Des lézards courent parmi ces débris, se glissent entre les dents, à travers les yeux et les narines, sortent par la bouche et les oreilles des têtes, leurs demeures ou leurs nids. 3 ou 4 papillons voltigeaient sur des fleurs de mauves entrelacées aux ossements, image de l'âme sous ce ciel qui tient de celui où fut inventée l'histoire de Psyché. Un crâne avait encore quelques cheveux de la couleur des miens. Pauvre vieux gondolier, as-tu du moins conduit ta barque mieux que je n'ai conduit la mienne ? Une fosse commune reste ouverte dans l'enclos. On venait d'y descendre un médecin auprès de ses anciennes pratiques. Son cercueil noir n'était chargé de terre qu'en dessus, et son flanc nu attendait le flanc d'un autre mort pour le réchauffer. Antonio avait fourré là sa femme depuis une quinzaine de jours, et c'était le médecin défunt qui l'avait expédié. Antonio bénissait un dieu rémunérateur et vengeur et prenait son mal en patience. Les cercueils des particuliers s'en conduisent à ce lugubre bazar dans des gondoles particulières et suivis d'un prêtre dans une autre gondole. Comme les gondoles ressemblent à des bières, elles conviennent à la cérémonie. Une nacelle plus grande, omnibus du Cocit, fait le service des hôpitaux. Ainsi se trouvent renouvelés les enterrements de l'Égypte et les fables de Caron et de sa barque. Dans le cimetière du côté de Venise s'élève une chapelle octogone consacrée à saint Christophe. Ce saint, chargeant un enfant sur ses épaules au gué d'une rivière, le trouva lourd. Or, l'enfant était le fils de Marie qui tient le globe dans sa main. Le tableau de l'autel représente cette belle aventure. Et moi aussi j'ai voulu porter un enfant roi, mais je ne m'étais pas aperçu qu'il dormait dans son berceau avec 10 siècles, fardeau trop pesant pour mes bras. Je remarquai dans la chapelle un chandelier de bois. Le cierge était éteint, un bénitier destiné à la bénédiction des sépultures et un livret. Pars ritualis romani pro usu ad exequanda corpora defunctorum. Quand nous sommes déjà oubliés, la religion, parente immortelle et jamais lassée, nous pleure et nous suit. Exequor fugam. Une boîte renfermait un briquet. Dieu seul dispose de l'étincelle de la vie. 2 quatrains écrits sur papier commun étaient appliqués intérieurement au panneau de 2 des 3 portes de l'édifice. Quivi deluum les fralis poglie ascoce pallida morte o passeggere tadita, etc. Le seul tombeau un peu frappant du cimetière fut élevé d'avance par une femme qui tarda ensuite 18 ans à mourir. L'inscription nous apprend cette circonstance. Ainsi, cette femme espéra en vain pendant 18 ans son sépulcre. Quel chagrin nourrit en elle ce long espoir! Sur une petite croix de bois noir, on lit cette autre épitaphe, Virginia Serbi, Dani 72, 1824, Morta del Naccio del Signore. Les années sont dures à une belle Vénitienne. Antonio me disait, quand ce cimetière sera plein, on le laissera reposer et on enterrera les morts dans l'île Saint-Michel de Murano. L'expression était juste. La moisson faite, on laisse la terre en jachère et l'on creuse ailleurs d'autres sillons. Venise, septembre 1833. Nous sommes allés voir cet autre champ qui attend le grand laboureur. Saint-Michel de Murano est un riant monastère avec une église élégante, des portiques et un cloître blanc. Des fenêtres du couvent, on aperçoit, par-dessus les portiques, les lagunes et Venise. Un jardin rempli de fleurs va rejoindre le gazon dont l'engrais se prépare encore sous la peau fraîche d'une jeune fille. Cette charmante retraite est abandonnée à des franciscains. Elle conviendrait mieux à des religieuses chantant comme les petites élèves des Scuole de Rousseau. Heureuses celles di Manzoni, qui ont pris le voile saint avant d'avoir arrêté leurs yeux sur le front d'un homme. Donnez-moi là, je vous prie, une cellule pour achever mes mémoires. Fra Paolo est inhumé à l'entrée de l'église. Ce chercheur de bruit doit être bien furieux du silence qui l'environne. Pellico, condamné à mort, fut déposé à Saint-Michel avant d'être transporté à la forteresse du Spielberg. Le président du tribunal où comparut Pellico remplace le poète à Saint-Michel. Il est enseveli dans le cloître. Il ne sortira pas, lui, de cette prison. Non loin de la tombe du magistrat est celle d'une femme étrangère, mariée à l'âge de 22 ans, au mois de janvier. Elle décéda au mois de février suivant. Elle ne voulut pas aller au-delà de la lune de miel. L'épitaphe porte « Ci revedremo », si c'était vrai. Arrière ce doute, arrière la pensée qu'aucune angoisse ne déchire le néant. Athée, quand la mort vous enfoncera ses ongles au cœur, qui sait si dans le dernier moment de connaissance, avant la destruction du moi, vous n'éprouverez pas une atrocité de douleur capable de remplir l'éternité, une immensité de souffrance dont l'être humain ne peut avoir l'idée dans les bornes circonscrites du temps. Ah oui, ci revedremo. J'étais trop près de l'île et de la ville de Murano pour ne pas visiter les manufactures d'où vinrent à Combourg les glaces de la chambre de ma mère. Je n'ai point vu ces manufactures maintenant fermées, mais on a filé devant moi, comme le temps, notre fragile vie, un mince cordon de verre. C'était de ce verre qu'était faite la perle pendante au nez de la petite Iroquoise du sceau de Niagara. La main d'une Vénitienne avait arrondi l'ornement d'une sauvage. J'ai rencontré plus beau que Mila. Une femme portait un enfant emmailloté. La finesse du teint, le charme du regard de cette Muranaise se sont idéalisés dans mon souvenir. Elle avait l'air triste et préoccupée. Si j'eusse été Lord Byron, l'occasion était favorable pour essayer la séduction sur la misère. On va loin ici, avec un peu d'argent. Puis j'aurais fait le désespéré, le solitaire, au bord des flots, enivré de mon succès et de mon génie. L'amour me semble autre chose. J'ai perdu de vue René depuis maintes années, mais je ne sais s'il cherchait dans ses plaisirs le secret de ses ennuis. Chaque jour, après mes courses, j'envoyais à la poste. Il ne s'y trouvait rien. Le comte Griffy ne me répondait point de Florence. Les papiers publics permis dans ce pays d'indépendance n'auraient pas osé dire qu'un voyageur était descendu au Lion Blanc. Venise, où sont nées les gazettes, est réduite à lire l'affiche qui annonce sur le même placard l'opéra du jour et l'exposition du Saint-Sacrement. Les Aldes ne sortiront point de leur tombeau pour embrasser dans ma personne le défenseur de la liberté de la presse. Il me fallut donc attendre. Rentré à mon auberge, je dînais en m'amusant de la société des gondoliers stationnés, comme je l'ai dit, sous ma fenêtre, à l'entrée du Grand Canal. La gaieté de ces fils de Néré ne les abandonne jamais. Vêtus du soleil, la mer les nourrit. Ils ne sont pas couchés et désœuvrés comme les Lazzaroni à Naples. Toujours en mouvement, ce sont des matelots qui manquent de vaisseaux et d'ouvrages, mais qui feraient encore le commerce du monde et gagneraient la bataille de Lépante si le temps de la liberté et de la gloire vénitienne n'était passé. À 6 heures du matin, ils arrivent à leur gondole, attachés, la proue à terre, à des poteaux. Alors ils commencent à gratter et laver leurs barchettes aux tragnetti, comme des dragons étris, brossent et épongent leurs chevaux au piquet. La chatouilleuse cavale marine s'agite, se tourmente au mouvement de son cavalier qui puise de l'eau dans un vase de bois, la répand sur les flancs et dans l'intérieur de la nacelle. Il renouvelle plusieurs fois l'aspersion, ayant soin d'écarter l'eau de la surface de la mer pour prendre dessous une eau plus pure. Puis il frotte les avirons, éclaircit les cuivres et les glaces du petit château noir. Il époussette les coussins, les tapis, et fourbit le fer taillant de la proue. Le tout ne se fait pas sans quelques mots d'humeur ou de tendresse, adressés dans le joli dialecte vénitien à la gondole quinteuse ou docile. La toilette de la gondole achevée, le gondolier passe à la sienne. Il se peigne, secoue sa veste et son bonnet bleu, rouge ou gris, se lave le visage, les pieds et les mains. Sa femme, sa fille ou sa maîtresse lui apporte dans une gamelle une miscellanée de légumes, de pain et de viande. Le déjeuner fait, chaque gondolier attend en chantant la fortune. Il l'a devant lui, un pied en l'air, présentant son écharpe au vent et servant de girouette au haut du monument de la douane de mer. A-t-elle donné le signal ? Le gondolier favorisé, l'aviron levé, part debout à l'arrière de sa nacelle, de même qu'Achille voltigeait autrefois ou qu'un écuyer de Franconi galope aujourd'hui sur la croupe d'un destrier. La gondole, en forme de patin, glisse sur l'eau comme sur la glace. « Sia, stati, sta, longo !» En voilà pour toute la journée. Puis vienne la nuit, et la calier verra mon gondolier chanter et boire avec la Zitellia le demi-sequin que je lui laisse en allant très certainement remettre Henri V sur le trône. Venise, septembre 1833. Je cherchais, en me réveillant, pourquoi j'aimais tant Venise, quand tout à coup je me suis souvenu que j'étais en Bretagne. La voix du sang parlait en moi. N'y avait-il pas, au temps de César en Armorique, un pays des Vénètes, Civitas Venetum, Civitas Venetica ? Strabon n'a-t-il pas dit qu'on disait que les Vénètes étaient descendants des Vénètes gaulois ? On a soutenu contradictoirement que les pêcheurs du Morbihan étaient une colonie des Pescatori de Palestrine. Venise serait la mère et non la fille de Vannes. On peut arranger cela en supposant, ce qui d'ailleurs est très probable, que Vannes et Venise sont accouchées mutuellement l'une de l'autre. Je regarde donc les Vénitiens comme des Bretons. Les gondoliers et moi, nous sommes cousins et sortis de la corne de la Gaule, Cornu Galliae. Tout réjoui de cette pensée, je suis allé déjeuner dans un café sur le quai des Esclavons. Le pain était tendre, le thé parfumé, la crème comme en Bretagne, le beurre comme à la Prévalet. Car le beurre, grâce au progrès des Lumières, s'est amélioré partout. J'en ai mangé d'excellents à Grenade. Le mouvement d'un port me ravit toujours. Des maîtres de barque faisaient un pique-nique. Des marchands de fruits et de fleurs m'offraient des cédrats, des raisins et des bouquets. Des pêcheurs préparaient leurs tartanes. Des élèves de la marine, descendant en chaloupe, allaient aux leçons de manœuvre à bord du vaisseau amiral. Des gondoles conduisaient des passagers au bateau à vapeur de Trieste. C'est pourtant ce Trieste qui pensa me faire sabrer sur les marches des Tuileries par Bonaparte, comme il m'en menaça lorsqu'en 1807 je m'avisais d'écrire dans le Mercure. Il nous était réservé de retrouver au fond de la mer Adriatique le tombeau de deux filles de roi dont nous avions entendu prononcer l'oraison funèbre dans un grenier à Londres. Ah, du moins, la tombe qui renferme ces nobles dames aura vu une fois interrompre son silence. Le bruit des pas d'un Français aura fait tressaillir deux Françaises dans leur cercueil. Les respects d'un pauvre gentilhomme à Versailles n'eussent été rien pour des princesses. La prière d'un chrétien en terre étrangère aura peut-être été agréable à des saintes. Il y a, ce me semble, quelques années que je sers les Bourbons. Ils ont éclairé ma fidélité, mais ils ne la lasseront pas. Je déjeune sur le quai des Esclavons en attendant l'exilé. Venise, septembre 1833. De ma petite table, mes yeux errent sur toutes les rades. Une brise du large rafraîchit l'air. La marée monte, un trois-mâts entre. Le Lido d'un côté, le palais du Doge de l'autre, les lagunes au milieu, voilà le tableau. C'est de ce port que sortirent tant de flottes glorieuses. Le vieux Dandolo en partie dans la pompe de la chevalerie des mers, dont Villehardouin, qui commença notre langue et nos mémoires, nous a laissé la description. Et quand les nefs furent chargies d'armes et de viandes et de chevaliers et de sergents, et l'ISQ furent portendus, un viron de bords et des chaldéas, aubans, des nefs, et les bannières dont il avoua tant de belles, néonque plus belle estoire, flotte, ne partit de nulle port. Ma scène du matin à Venise me fait encore souvenir de l'histoire du capitaine Olivet et de Zulietta, si bien racontée. La gondole aborde, dit Rousseau, et je vois sortir une jeune personne éblouissante, fort coquettement mise, et fort leste, qui dans les trois sauts fut dans la chambre, et je la vis établie à côté de moi avant que j'eusse aperçu qu'on y avait mis un couvert. Elle était aussi charmante que vive, une brunette de 20 ans au plus. Elle ne parlait qu'italien. Son accent seul eût suffi à me tourner la tête. Tout en mangeant, tout en causant, elle me regarde, me fixe un moment, puis s'écriant « Bonne Vierge, ah, mon cher Brémond, qu'il y a longtemps que je ne t'ai vu !» se jette entre mes bras, colle sa bouche contre la mienne et me serre à m'étouffer. Ses grands yeux noirs à l'orientale lançaient dans mon cœur des traits de feu. Et quoique la surprise fît d'abord quelques diversions, la volupté me gagna très rapidement. Elle nous dit que je ressemblais, à s'y tromper, à M. de Brémond, directeur des douanes de Toscane, qu'elle avait raffolé de ce M. de Brémond, qu'elle en raffolait encore, qu'elle l'avait quitté parce qu'elle était une sotte, qu'elle me prenait à sa place, qu'elle voulait m'aimer parce que cela lui convenait, qu'il fallait par la même raison que je l'aimasse tant que cela lui conviendrait, et que, quand elle me planterait là, je prendrais patience, comme avait fait son cher Brémond. Ce qui fut dit fut fait. Le soir, nous la ramenâmes chez elle. Tout en causant, je vis deux pistolets sur sa toilette. « Ah ah, dis-je, en en prenant un, voici une boîte à mouches de nouvelle fabrique. Pourrait-on savoir quel en est l'usage ?» Elle nous dit, avec une naïveté fière qui la rendait encore plus charmante, « Quand j'ai des bontés pour des gens que je n'aime point, je leur fais payer l'ennui qu'ils me donnent. Rien n'est plus juste. Mais, en endurant leurs caresses, je ne veux pas endurer leurs insultes, et je ne manquerai pas le premier qui me manquera. » En la quittant, j'avais pris son heure pour le lendemain, je ne la fis pas attendre, je la trouvai, in vestito di confidenza, dans un déshabillé plus que galant qu'on ne connaît que dans les pays méridionaux, et que je ne m'amuserais pas à décrire, quoique je me le rappelle trop bien. Je n'avais point d'idée des voluptés qui m'attendaient. J'ai parlé de Madame de L dans les transports que son souvenir me rend quelquefois encore. Mais qu'elle était laide et vieille et froide auprès de ma Zulietta. Ne tâchez d'imaginer les grâces et les charmes de cette fille enchanteresse, vous resteriez trop loin de la vérité. Les jeunes vierges des cloîtres sont moins fraîches, les beautés du sérail sont moins vives, les houris du paradis sont moins piquantes. Cette aventure finit par une bizarrerie de Rousseau et le mot de Zulietta. La ciel est donnée estudia la mathématica. Lord Byron livrait aussi sa vie à des Vénus payées. Il remplit le palais Mocenigo de ses beautés vénitiennes réfugiées, selon lui, sous les fagioli. Quelquefois troublé de sa honte, il fuyait et passait la nuit sur les eaux dans sa gondole. Il avait pour sultane favorite Margherita Cogner, surnommée de l'état de son mari, la Fornarina. Brune, grande, c'est Lord Byron qui parle, tête vénitienne, de très beaux yeux noirs et 22 ans. Un jour d'automne, allant au Lido, nous fûmes surpris par une bourrasque. Au retour, après une lutte terrible, je trouvai Margherita en plein air sur les marches du palais Mocenigo, au bord du grand canal. Ses yeux noirs étincelaient à travers ses larmes, ses longs cheveux de jais détachés, trempés de pluie, couvraient ses sourcils et son sein. Exposée en pleine à l'orage, le vent qui s'engouffrait sous ses habits et sa chevelure les roulait autour de sa taille élancée. L'éclair tourbillonnait sur sa tête et les vagues mugissaient à ses pieds. Elle avait tout l'aspect d'une Médée descendue de son char ou d'une Sibylle conjurant la tempête qui rugissait alentour. Seule chose vivante à portée de voix dans ce moment, excepté nous-mêmes. Me voyant sain et sauf, elle ne m'attendait pas pour me souhaiter la bienvenue. Mais vociférant de loin, « Ah, Candelia Madonna, dun questa il tempo per andar al Lido ?»« Ah, chien de la Vierge, est-ce là un temps pour aller au Lido ?» Dans ces deux récits de Rousseau et de Byron, on sent la différence de la position sociale, de l'éducation et du caractère des deux hommes. À travers le charme du style de l'auteur des Confessions, perce quelque chose de vulgaire, de cynique, de mauvais ton, de mauvais goût. L'obscénité d'expression particulière à cette époque gâte encore le tableau. Zulietta est supérieure à son amant en élévation de sentiment et en élégance d'habitude. C'est presque une grande dame éprise du secrétaire infime d'un ambassadeur mesquin. La même infériorité se retrouve quand Rousseau s'arrange pour élever à frais communs avec son ami Cario une petite fille de 11 ans dont il devait partager les faveurs, ou plutôt les larmes. Lord Byron est d'une autre allure. Il laisse éclater les mœurs et la fatuité de l'aristocratie. Père de la Grande-Bretagne, se jouant de la femme du peuple qui l'a séduite, il l'élève à lui par ses caresses et par la magie de son talent. Byron arriva riche et fameux à Venise. Rousseau y débarqua pauvre et inconnu. Tout le monde sait le palais qui divulgua les erreurs de l'héritier noble du célèbre commodore anglais. Aucun cicérone ne pourrait vous indiquer la demeure où cacha ses plaisirs le fils plébéien de l'obscur horloger de Genève. Rousseau ne parle pas même de Venise. Il semble l'avoir habitée sans l'avoir vue. Byron l'a chantée admirablement. Vous avez vu dans ses mémoires ce que j'ai dit des rapports d'imagination et de destinée qui semblent avoir existé entre l'historien de René et le poète de Childerhold. Ici, je signale encore une de ces rencontres tant flatteuses à mon orgueil. La brune Fornarina de Lord Byron n'a-t-elle pas un air de famille avec la blonde Velleda des Martyrs, son aînée? Cachée parmi les rochers, j'attendis quelque temps sans voir rien paraître. Tout à coup, mon oreille est frappée des sons que le vent m'apporte du milieu du lac. J'écoute et je distingue les accents d'une voix humaine. En même temps, je découvre un esquif suspendu au sommet d'une vague. Il redescend, disparaît entre deux flots, puis se montre encore sur la cime d'une lame élevée. Il approche du rivage. Une femme le conduisait. Elle chantait en luttant contre la tempête et semblait se jouer dans les vents. On eût dit qu'ils étaient sous sa puissance, tant elle paraissait les braver. Je la voyais jeter tour à tour dans le lac des pièces de toile, des toisons de brebis, des pains de cire, et de petites meules d'or et d'argent. Bientôt elle touche à la rive, s'élance à terre, attache sa nacelle au tronc d'un saule et s'enfonce dans le bois en s'appuyant sur la rame de peuplier qu'elle tenait à la main. Elle passa tout près de moi sans me voir. Sa taille était haute, une tunique noire, courte et sans manches, servait à peine de voile à sa nudité. Elle portait une faucille d'or suspendue à une ceinture d'airain et elle était couronnée d'une branche de chêne. La blancheur de ses bras et de son teint, ses yeux bleus, ses lèvres de rose, ses longs cheveux blonds qui flottaient épars, annonçaient la fille des Gaulois et contrastaient par leur douceur avec sa démarche fière et sauvage. Elle chantait d'une voix mélodieuse des paroles terribles et son sein découvert s'abaissait et s'élevait comme l'écume des flots. Je rougirais de me montrer entre Byron et Jean-Jacques, sans savoir ce que je serais dans la postérité, si ces mémoires devaient paraître de mon vivant. Mais quand ils viendront en lumière, j'aurai passé, et pour jamais, ainsi que mes illustres devanciers, sur le rivage étranger. Mon ombre sera livrée au souffle de l'opinion, vain et léger comme le peu qui restera de mes cendres. Rousseau et Byron ont eu à Venise un trait de ressemblance. Ni l'un ni l'autre n'ont senti les arts. Rousseau, doué merveilleusement pour la musique, n'a pas l'air de savoir qu'il existe auprès de Zulietta des tableaux, des statues, des monuments. Et pourtant, avec quel charme ces chefs-d'œuvre se marient à l'amour dont ils divinisent l'objet et augmentent la flamme. Quant à Lord Byron, il abhorre l'infernal éclat des couleurs de Rubens. Il crache sur tous les sujets des saints dont les églises regorgent. Il n'a jamais rencontré tableau ou statue approchant d'une lieue de sa pensée. Il préfère à ces arts imposteurs la beauté de quelques montagnes, de quelques mers, de quelques chevaux, d'un certain lion de Morée et d'un tigre qu'il vit souper dans Exeter Change. N'y aurait-il pas un peu de parti pris dans tout cela? Que d'affectation et de forfanterie! Venise, septembre 1833. Mais quelle est donc cette ville où les plus hautes intelligences se sont données rendez-vous? Les unes l'ont elles-mêmes visitée, les autres y ont envoyé leurs muses. Quelque chose aurait manqué à l'immortalité de ces talents s'ils n'eussent suspendu des tableaux à ce temple de la volupté et de la gloire. Sans rappeler encore les grands poètes de l'Italie, les génies de l'Europe entière y placèrent leurs créations. Là respire cette Desdemona de Shakespeare, bien différente de la Zulietta de Rousseau et de la Margherita de Byron, cette pudique vénitienne qui déclare sa tendresse à Othello. Si vous avez un ami qui m'aime, apprenez-lui à raconter votre histoire, cela me pénétrera d'amour pour lui. Là paraît cette Belvidera d'Otway qui dit à Jaffier, « Oh, smile, as when our loves were in their spring, oh, lead me to some desert wide and wild, barren as our misfortunes, where my soul may have its vent, where I may tell aloud to the high heavens and every listening planets, with what a boundless stock my bosom's fraught, where I may throw my eager arms about thee, give loose to love with kisses kindling joy, and lest of all the fire that's in my heart. Ô, souris-moi, comme quand nos amours étaient dans leur printemps. Conduis-moi à quelque désert vaste, sauvage, stérile, comme nos malheurs, où mon âme puisse respirer, où je puisse à grands cris dire aux cieux élevés et aux astres écoutants de quelle richesse sans borne mon sein est chargé, où je puisse jeter mes bras impatients autour de toi, donner passage à l'amour par des baisers qui rallument la joie, et laisser aller tout le feu qui est dans mon cœur. Goethe de notre temps a célébré Venise, et le gentil Marot, qui le premier fit entendre sa voix au réveil des muses françaises, se réfugia au foyer du Titien. Montesquieu écrivait « On peut avoir vu toutes les villes du monde et être surpris en arrivant à Venise. » Lorsque, dans un tableau trop nu, l'auteur des lettres persanes représente une musulmane abandonnée dans le paradis à deux hommes divins, ne semble-t-il pas avoir peint la courtisane des confessions de Rousseau et celle des mémoires de Byron? N'étais-je pas entre mes deux Floridiennes comme Anaïs entre ces deux anges? Mais les filles peintes et moi, nous n'étions pas immortelles. Madame de Staël livre Venise à l'inspiration de Corinne. Celle-ci écoute le bruit du canon qui annonce l'obscur sacrifice d'une jeune fille. Avis solennel qu'une femme résignée donne aux femmes qui luttent encore contre le destin. Corinne monte au sommet de la tour de Saint-Marc, contemple la ville et les flots, tourne les yeux vers les nuages du côté de la Grèce. La nuit, elle ne voit que le reflet des lanternes qui éclairent les gondoles. On dirait des ombres qui glissent sur l'eau, guidées par une petite étoile. Oswald part, Corinne s'élance pour le rappeler. Une pluie terrible commençait alors, le vent le plus violent se faisait entendre. Corinne descend sur le bord du canal. La nuit était si obscure qu'il n'y avait pas une seule barque. Corinne appelait au hasard les bateliers qui prenaient ses cris pour des cris de détresse de malheureux qui se noyaient pendant la tempête, et néanmoins personne n'osait approcher, tant les ondes agitées du grand canal étaient redoutables. Voilà encore la Margarita de Lord Byron. J'éprouve un plaisir indicible à revoir les chefs-d'œuvre de ces grands maîtres dans le lieu même pour lequel ils ont été faits. Je respire à l'aise au milieu de la troupe immortelle comme un humble voyageur admis aux foyers hospitaliers d'une riche et belle famille. Fin de la section 16.